Voilà, donc il reste à voir juste. C'est bon là, genre, il me reste 10 minutes là. Et donc l'urinoir du champ pour arriver. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur pour la fin. Donc urinoir du champ. Donc vous savez que Duchamp avait. Vous savez ce qu'est qu'un ready-made là. Duchamp avait décidé un jour que qu'il prendrait un objet ordinaire et que ça serait une œuvre d'art de fait de sa seule volonté. Donc il avait fait un urinoir, mais il avait pris un objet ordinaire qui valait pas cher. Et voilà. Et donc actuellement, vous savez que l'urinoir est coté à près de 3 millions d'euros. Donc c'est la négation de l'esprit de Duchamp et tout. Donc j'avais décidé de faire déjà, depuis que j'avais rencontré Duchamp, de faire une action avec l'urinoir. Donc à 93 à Nîmes, pour l'inauguration du carré d'art de Nîmes, je suis allé à Nîmes et j'avais décidé, je trouvais que c'était rigolo, d'uriner dans l'urinoir de Duchamp parce que j'inversais en somme le processus du ready-made parce que Duchamp, d'un urinoir, il avait fait un objet d'art et moi, d'un objet d'art, j'ai voulu refaire un urinoir. Donc j'ai trouvé que rentrant dans la dialectique de Duchamp, c'était amusant d'inverser le processus de Duchamp. Donc j'ai étudié pendant un mois, je suis allé au musée, pas un mois, mais 3 semaines parce que. Regardez un peu, voir cet urinoir, et il était très bas, justement. Alors que depuis des années, je l'ai toujours vu en l'air, dans des positions, dans des coffres-forts, partout. Donc, j'ai étudié et j'ai beaucoup bu d'eau. Donc, j'ai bu toutes les eaux minérales pour voir celle qui était la plus diurétique et le temps qu'il faudrait à une eau pour que je puisse en état d'uriner. Parce que c'est ça la difficulté. C'est pas tellement de casser, parce que j'avais un marteau sur moi de casser, c'était de pouvoir uriner à heure fixe, ce qui n'est pas évident dans un musée avec plein de gardiens en plus. Donc, et en plus, j'avais donné mon action à l'AFP, et l'AFP, ils avaient envoyé une journaliste qui débutait, et j'ai eu le tort de lui dire qu'en plus d'uriner dans l'urinoir, j'allais casser l'objet. Et alors, elle s'est mise à hurler, presque une crise d'hystérie, en disant: Oh non, l'AFP, l'Agence France-Presse, on ne veut pas être complice d'un acte de vandalisme, donc on ne couvre plus. Et on est compte, ils m'ont laissé tomber sur les marches du musée de Nîmes. Alors, sachant tout d'un coup mon action s'écroulait, il n'y aurait personne qui prendrait l'acte historique d'uriner dans l'urinoir de Duchamp. C'était quand même une photo qui aurait fait la une mondialement. Et donc, alors je l'ai insulté, je lui ai dit: Comment l'AFP qui veut me donner des leçons? Alors, qu'est-ce que vous êtes, vous, l'AFP? C'est vous qui fournissez en cadavre les journaux télévisés tous les jours, les tremblements de terre, tout ce qui se passe. Alors, ne donnez pas des leçons. Bref, enfin, je me suis trouvé tout seul. Donc, je me suis trouvé. Alors, j'ai tourné autour du. J'avais de plus en plus envie d'uriner, surtout. Hein, c'est que j'avais déjà 3 quarts d'heure de retard. Donc, le comble, ça aurait été que. Alors, j'ai même fait une visite aux frères de l'ombre de l'urinoir. J'étais allé, mais sans uriner, puisque je devais garder mon urine pour l'œuvre d'art, j'étais allé rendre une petite visite aux urinoirs du carré d'art. Et c'est là où j'avais vu que c'était les mêmes urinoirs que celui de Duchamp, sauf que c'était j'appelle les frères de l'ombre par rapport aux frères qui étaient dans la lumière. Donc j'ai attendu et j'ai tourné autour. Et il y avait toujours 3 gardiens, une jeune gardienne qui tournait autour. Et toutes les performances que j'ai faites dans les musées, j'ai su que même ce qui paraît impossible, on a une chance pas dans sa vie, on a une chance dans la journée. On n'en a qu'une, mais on est obligé de l'avoir. Mais elle durera peut-être qu'une seconde, mais si on la passe, c'est fichu. Mais il n'y avait aucune raison que ça se clarifie. Il y avait 3 gardiens, l'urinoir était dans une pièce, ils étaient tous là avec cette jeune femme, et tout d'un coup, il n'y a eu plus personne. Mais c'est vraiment réel, hein, parce que pourquoi je suis resté là et ça aurait pu durer toute la journée, ou j'aurais pu ne pas le faire, et tout d'un coup, il n'y a plus personne. À cause de cette minute, je vous dis qu'elle existe, dont j'ai éprouvé la réalité plusieurs fois. Et donc, voilà. Alors, donc, je me suis précipité. J'ai réussi à uriner, pas longtemps et pas beaucoup, mais c'était capital. Et surtout, j'ai sorti mon marteau. J'avais un marteau en disant, je disais, à canoncier, parce que je tenais ici, et j'ai cassé l'urinoir. Et alors, les gens m'ont dit, mais pourquoi avoir cassé? C'est là où je savais que je franchissais la ligne du jour. Il y a des gens qui m'ont dit, mais ça aurait été merveilleux de ne faire qu'uriner dans l'urinoir. Vous n'aviez pas besoin de casser. C'est en cassant que vous commettiez un peu l'irréparable, puis même à tout point de vue. Mais j'aurais heureusement que j'ai cassé, parce que, figurez-vous, ce qui est arrivé, c'est que le lendemain, le conservateur du musée a dit que ce n'était pas de l'urine et que c'était en somme du thé que j'avais apporté dans une petite fiole. Et que c'était pas du. Alors imaginez, donc, il a dit ça, et imaginez que j'ai pas cassé. Il suffisait d'un geste de femme de ménage, et disons qu'il n'y avait pas d'action, il ne s'était rien passé, j'avais rien fait. Alors, tandis que le casser, bon, ça, voilà, alors du coup, ça a été grave parce que j'ai été poursuivi, ça a duré 10 ans, et puis finalement, l'État français a été remboursé par l'assurance. À ce moment-là, il valait que 700 000 francs, enfin, je ne sais pas combien ça fait d'euros, ça fait 70 millions, ça va faire. 100 000 euros. Tant que ça? Ah oui, parce qu'il vaut 3 millions d'euros maintenant. 100 000 euros, il valait. Voilà. Alors donc, je suis passé en procès. Procès au pénal, j'étais survolté. Je suis passé. Donc, j'ai fait une plaidoirie pour l'urinoir, pour la liberté. Je me suis même applaudi. Donc, c'était qu'au pénal pendant l'audience. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc, j'ai eu qu'un mois de prison et puis pas d'amende. Et après, il y a eu le procès au civil. Mais le procès au civil, entre-temps, le AXA, qui était le. L'assureur a remboursé le centre Georges Pompidou, a payé l'urinoir. Et l'État français a cru bien faire en disant bon, ben, on subroge AXA. Subroger, vous savez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire vous chargez quelqu'un de vous représenter, d'exercer vos droits. Donc l'État français a subrogé AXA et l'État français a retiré sa plainte. Et alors, mes avocats ont été effondrés en disant que autant un État est tenu à quelques contingences artistiques et voilà, tandis que des assurances, c'est fichu, parce que les assurances, les assureurs, il n'y en a, pour parler vulgairement, que pour le pognon. Et moi, j'ai pris le raisonnement inverse. J'ai dit, à partir du moment où un des plus grands assureurs mondiaux, c'est AXA, peut-être c'est Allianz, poursuit un artiste dans l'exercice de son art, un performeur qui fait une performance, il n'est pas en très bon terme. Et j'ai fait un truc de culot, j'ai écrit une lettre personnelle au grand patron, un des grands patrons français, c'est le grand patron d'AXA qui s'est retiré, maintenant il est président du conseil de direction, c'est Claude Bébéard. Vous avez peut-être entendu parler de Claude Bébéard, c'est le grand patron mythique français qui continue d'ailleurs à tirer un peu les ficelles derrière. Et j'ai écrit une lettre complètement un peu folle, mais en disant à quoi ça rimait ces campagnes d'AXA pour se faire bien voir de ses clients, et que s'il continuait à poursuivre un artiste dans l'exercice de ses fonctions, je serais obligé de déclencher une campagne contre AXA. Oui, c'était vraiment le pot de fer contre le pot de... Mais dit d'une façon très rigolote, il allait avoir contre lui le chevalier qui n'aurait que sa peau comme armure. Enfin, je lui ai fait un truc poétique et marrant. Et que donc, je lui conseillais fortement d'abandonner toute poursuite contre moi. Bon, mes avocats ont dit, mais alors là, c'est la fin de tout, là, parce que... Et 20 jours après, il y avait une lettre d'AXA de son chef de cabinet, comme quoi ils retiraient leur plainte complètement, et rien du tout. Donc, si vous voulez, la différence au pénal, le pénal, c'est la loi. Donc, le pénal, l'État peut faire appel à minima, il peut revenir sur une condamnation qu'il ne juge pas assez sévère. Mais le civil, c'est ce qu'on appelle les dommages, c'est l'argent. Et si celui qui a souffert d'un dommage d'argent juge qu'il s'en fout, je m'excuse du mot vulgaire, qu'il s'en fiche de son argent, l'État ne peut rien. Et donc, comme AXA avait dit « je m'en fiche de tout », eh bien, l'État n'a pu rien faire et donc ça m'a rien coûté. Donc la première affaire d'urinoir et tous les frais, parce que ça allait chercher loin. J'ai été condamné à 500 000 francs anciens, plus les frais de procès, ça a monté à 1 million de francs. Hein. Donc j'ai rien du tout et j'ai gagné mon procès. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent tant mon scalp cette fois. Quoi. Alors deuxième fois, après c'est fini, donc l'exposition Dada au centre Georges Pompidou. Là, donc c'était en 93 quand je fais ça à Nîmes. Donc ça faisait 2006, combien ? 13 ans après, voilà. Alors, bon, 13 ans après, j'ai dit que l'exposition Dada, c'était la plus grande exposition de Pompidou. Il y avait le même urinoir, en plus, qu'ils avaient fait réparer. Donc, j'ai dit, là, je ne peux pas laisser passer un truc. Il n'y avait aucune mention de mon acte. Alors que vous savez que la Pietà de Michel-Ange avait été attaquée en Italie, mais il y avait dorénavant sur la Pietà de Michel-Ange, ce chef-d'œuvre a été attaqué, je sais pas quoi. Bon, c'est peut-être beaucoup d'orgueil de prétendre que sur l'urinoir, il aurait dû avoir une mention rappelant ce que j'avais fait, mais enfin, ils m'ont poursuivi pendant 10 ans, ils ont hypothéqué la maison, ils ont hypothéqué le mas, ça a été quand même des années un peu difficiles. Donc j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose contre cette urinoir. Et donc, j'ai fait la queue un matin, donc le 4 janvier 2006, j'ai fait la queue, et déjà, je trouve que la performance a commencé, il y avait déjà 400 personnes qui faisaient la queue devant le centre Georges Pompidou. Alors là, quand on sait ce qu'on va faire, on regarde le haut, on fait la queue, on regarde le haut du centre Georges Pompidou, on sait ce qu'on va faire, il y a 400 personnes et déjà il faut attendre la queue, bon, c'est pas évident. Et puis alors il y avait des japonaises qui m'ont dit, il y a des toilettes. Alors j'ai dit, oui, au cinquième, vous avez un urinoir au cinquième, si vous voulez, il y a des toilettes super, comme ça. Et après j'ai pris mon billet, normalement, c'est ça qui a ils n'en revenaient pas, la police et ceux qui m'ont arrêté à haut niveau, là, la direction et tout ça, ils m'ont dit, mais comment ça vous pouvez arriver à faire la queue, à prendre un billet de train Saint-Rémy, et en plus de venir casser un urinoir, et alors j'ai pris mon billet. Ah oui, ce qu'ils avaient, étonné, c'est que j'avais pris un aller-retour Saint-Rémy. Vous savez, Saint-Rémy, Avignon-Paris, aller-retour. Alors moi, ça, parce que j'ai fait exprès, je savais que si je le faisais, je risquais pas de revenir le soir. Mais j'ai trouvé que c'était un bel hommage d'optimisme, que pour moi, la plus belle histoire d'optimisme, vous savez, c'est le condamné à mort. Il y a un livre, le lendemain, il doit être condamné, il doit avoir la tête tranchée, et le soir, il corne la page de son livre. Vous voyez, je veux dire, c'est-à-dire que, bon, à la limite, je trouve ça génial. Donc moi, j'estimais qu'en prenant un billet d'aller-retour, je cornais la page de livre, alors je savais que le lendemain, j'allais, si je le faisais, je risquais pas de revenir. Donc j'ai pris mon billet, un type m'a toisé, m'a dit un billet. Alors je lui ai dit, est-ce que vous faites premièrement des prix pour personnes âgées? Il m'a dit, ben non, qu'est-ce que c'est dada, monsieur, l'air de dire, les personnes âgées, pourquoi ils viennent voir dada, l'air de dire, tout juste, il ne disait pas, je sais pas quoi, tout juste, il m'a demandé, qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors, c'est, heureusement qu'il ne m'a pas demandé ça, j'aurais dit, ben, je vais casser les urinoirs du champ, on aurait vu s'il aurait fait aussi le malin de me dire, qu'est-ce que vous venez faire ici? Donc, j'ai pris mon billet, et puis j'ai tourné là-haut, et bon, il y avait un monde fou. Et alors, le pire, c'est, on n'a pas trop tenu compte, c'est que, figurez-vous, là, je fais une parenthèse, c'est que ça, on était le 4 janvier 2006, mais le 8 décembre 2005, j'étais déjà entré, parce que là, ça c'est grave, et je sais pas comment ils l'ont pris, et bon, je sais pas s'ils vont poursuivre ou pas. J'étais, figurez-vous, rentré dans le centre Georges Pompidou, le 8 décembre, avec un Smith, avec un revolver chargé. Certains peuvent penser que c'est la folie. Un Smith & Wesson chargé, que j'ai rentré dans le centre Georges Pompidou. Je me suis promené, je voulais prendre l'urinoir en otage. Là, on tombe déjà dans les notions un peu spéciales de terrorisme et d'armée, donc j'aurais mis le revolver réel chargé. Et alors, c'était mon 32 Smith & Wesson de mes années d'aventure au Mexique, à laquelle un jour même j'avais flingué un bandit mexicain qui voulait soi-disant montrer mes tripes au soleil. Donc j'étais rentré dans ce revolver, et alors je voulais mettre le revolver sur la tente de l'urinoir pour éviter, il y aurait pu avoir même, j'ai dit, de la cervelle d'urinoir par terre à Beaubourg, ça aurait fait fâcheux, j'avais écrit à Donadieu de Vabre, comme ça. Et finalement, il y avait trop d'enfants, il y avait trop de risques, donc je me suis pas servi de mon revolver, et je suis ressorti de la sécurité avec mon revolver. C'est-à-dire que j'ai rentré à Beaubourg en revolver, et je suis ressorti avec mon revolver chargé. Et ce que j'ai dit dans mon texte, que j'ai écrit un long texte, je vais revenir à l'action, un long texte pour me défendre en réponse au directeur de Beaubourg, qui s'appelle Pacman, qui avait écrit une demi-page dans Le Monde en me refusant le statut d'artiste, en disant que j'étais pas un artiste, j'étais un soi-disant artiste, soi-disant je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, alors dans ma lettre, j'avais dit que simplement que la sécurité à Beaubourg n'existait pas, et qu'un jour, il tomberait sur un véritable terroriste et non sur un gentil artiste, je me cite, qui fait simplement joujou avec un urinoir historique. Et je finis en disant que ce jour-là, à Beaubourg, si j'avais voulu, j'aurais pu rentrer une Kalachnikov ou un bazooka. Ça n'aura pas plu, j'ai su, à la sécurité depuis ce temps. Pas de nouvelles de procès en appel. On va voir si c'est à l'entrée, à la rentrée ou pas. Voilà. Donc j'ai eu mon billet. Et puis finalement, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait une visite guidée autour de l'urinoir. Et donc je voulais signer, ce qui était important, parce que pour moi, l'action d'uriner la première fois était même plus importante que le fait de casser. Je voulais surtout signer dada. Parce qu'il y avait toujours, donc l'urinoir était là, pas plus haut que ça, j'ai même pas eu à sauter sur l'estrade, et donc je savais que si je commençais à casser, je pourrais jamais signer dada. Donc j'ai commencé, j'ai sorti mon feutre, et carrément, bon, j'ai sur le côté de l'urinoir, j'ai écrit dada, mais des grosses lettres noires, mais bien, bien signées. Personne n'a trop rien, juste un Allemand qui passait, qui était là, qui m'a dit, monsieur, qu'est-ce que, j'ai dit, qu'est-ce que c'est, je sais pas quoi. Il a plus rien dit, et après j'ai sorti mon marteau et j'ai donné un seul coup sur l'urinoir. Donc ça fait un boucan assez considérable, et j'ai disparu. Et là, personne n'a rien vu, personne ne m'a poursuivi, ça a fait un brouhaha terrible. Et là, pendant trois quarts d'heure, dans Beaubourg, je me suis promené, j'avais pas de portable exprès, alors que j'aurais pu téléphoner à n'importe qui en disant, voilà, je viens de casser l'urinoir je suis à Beaubourg, je viens de casser l'urinoir du champ, tout va bien. Ouais, en fait, j'avais une lettre pour Bruno Racine, qui est le président de Beaubourg, que je connais bien, enfin que je connais, qui me connaît, et voilà, donc c'est moi qui suis allé après revendiquer mon acte, qui suis allé remettre ma lettre, disons, à la sécurité. Alors là, ça a été horrible, la sécurité, ils m'ont tous sauté dessus, tout blanc, ils sont tous venus, et voilà, alors donc ça s'est assez mal passé, parce que donc ils m'ont interrogé, et j'ai eu 48 heures de garde à vue. Alors je suis sorti premièrement du centre Georges Pompidou avec les menottes dans le dos, bien serrées, c'est-à-dire vraiment comme un... Ce que je dis dans mon texte, c'est merveilleux comme performance. Quel est l'artiste contemporain d'avant-garde qui peut se vanter d'être sorti du centre Georges Pompidou et menottes dans le dos aux mains. C'est une belle performance. Hein. Donc voilà. Et alors après, bon, ils m'ont gardé 48 heures avec, photo, prise d'identité. Ils m'ont même fait l'ADN, hein, comme les violeurs. Donc Et après, ils m'ont relâché au bout de 2 jours. Et donc, ils m'ont fait un procès en 20 jours, c'est-à-dire tout de suite. C'est un procès qui devait être copénal. Mais en fait, le centre Georges Pompidou s'est constitué partie civile au procès pénal. Donc, on a tout de suite parlé gros sous. Je n'avais pas pris d'avocat exprès, croyant, mais mes avocats m'avaient dit qu'ils risqueraient de se constituer partie civile. Donc, il y avait une jeune avocate, très jolie d'ailleurs, de centre Georges Pompidou, qui m'a massacré. Et la juge a refusé qu'on parle d'acte artistique. C'est-à-dire qu'elle a dit que c'était qu'un acte de vandale. Déjà, dès le début, en voyant mon curriculum vitae de performance, elle m'a dit, mais vous n'avez pas de casier judiciaire après avoir fait tout ça. Mais je lui ai dit, écoutez, madame, je ne sais pas, vous me prenez pour un malfrat. Ça s'appelle les performances et les actes artistiques. Mais voilà, donc déjà. Et voilà, et ça a été fait en un quart d'heure entre un procès de drogue et un procès de bagarre. J'ai été condamné à... Donc, l'avocat, même le procureur, a demandé 400 000 euros. Parce que l'urinoir, actuellement, il a été acheté 2 600 000 euros par un grec, il vaut 3 millions, près de 3 millions d'euros. Alors, probablement, je leur ai dit, où est la dépréciation de la première fois? Il valait 100 000 euros, maintenant, il vaut 3 millions d'euros. Alors, où est la dépréciation? Je peux dire que même c'est grâce à moi qu'il vaut si cher. C'est moi qui lui ai donné de la valeur, puisque, en somme, c'était un multiple. Et ce que j'ai argumenté, c'est que, pas au tribunal, puisqu'ils n'ont pas voulu me laisser argumenter, mais ce que j'ai argumenté, c'est mon acte par mon acte, d'un multiple, j'ai fait un original. Puisqu'en effet, on ne peut pas le nier, suivant les lois artistiques, un original vaut plus cher qu'un multiple, on est bien d'accord. En fait, cette urinoir était bien un original, puisque c'était le seul au monde des 8 qui avait un trou et qui était signé Dada, c'est bien un original. Alors là, les gens me disent, ben oui, c'est un original. J'ai dit, donc, il vaut bien plus cher, donc il n'y a pas eu dépréciation, il n'y a plus value. Enfin, bref, il me demandait 400 000 euros, il voulait 400 000 euros d'amende. Et puis la juge, elle leur dit, non, ben on transige, 200 000, elle leur dit... 200 000, ça suffit, je ne sais pas ce qu'elle gagne par mois, 200 000 euros, plus 14 000 francs de remise en état. Et voilà, donc, alors, donc j'ai fait appel, et voilà. Et alors là, ce qui a été bien pour moi, c'est qu'à ce moment-là, on débutait tous les articles. J'ai eu une page entière dans le New York Times, j'ai eu l'Independent, un des grands journaux de Londres, qui a dû m'interroger à Saint-Rémy. J'ai eu des photos partout dans tous les journaux, dans le Village Voice aussi, à New York, les journaux mythiques et tout. Donc j'ai eu un portrait entier dans la Libération par Launay. J'ai eu des articles beaucoup à Mexico, à New Delhi, partout. Et donc... il s'est passé un revirement des gens qui n'avaient jamais parlé de moi, point de vue performance, si vous voulez, la revue mythique qui s'appelle Art Press. Il y a Catherine Millet, vous avez peut-être entendu parler de Catherine Millet, la grande prêtresse avec son livre horrible, enfin horrible, ça dépend si on est... donc, qui a fait un éditorial, c'était renversant. 30 ans sans dire un mot sur moi, elle a fait son éditorial sur moi dans Art Press en disant que en faisant, vu l'équivalence freudienne entre la merde et l'argent... vu les sommes demandées, eh bien, je leur avais mis le nez dans leur caca. Bon, et puis donc finalement, j'ai eu tous ces articles, et finalement, il y a eu, je vous parlais, donc la semaine dernière, je ne sais pas si il y a eu le Télérama la semaine dernière, je ne sais pas si certains l'ont eu, sur la provocation, et puis Le Monde d'hier, où il y a une page entière sur l'urinoir, où j'ai justement, l'article commence par ma performance, rappelle ma performance. Donc les avis sont partagés, est-ce qu'ils vont vraiment m'attaquer et essayer tout ça, ou est-ce que, voilà, alors donc, dans la perspective des élections, dans des temps un peu mouvants comme ça, Et puis ça a été assez mal vu quand même la somme qu'ils ont demandé. Et puis l'article de Pacman dans Le Monde, là, une demi-page pour dire que je n'étais pas un artiste, que mon geste était l'équivalent. Moi, je trouve que c'est la seule chose intelligente qu'il ait dit. En fait, ça lui a été reproché. Il a dit que mon geste était aussi grave que d'avoir attaqué la Pietà de Michel-Ange. D'avoir attaqué l'urinoir de Duchamp, c'était aussi grave que d'avoir brisé la Pietà de Michel-Ange. Alors je crois qu'il s'est scié. Point de vue de toute l'intelligentsia et le genre artistique, mais enfin voilà. Donc ça en est là, je suis en instance de. Je suis en procès et voilà. Voilà, ben c'est terminé. Merci de m'avoir écouté. Hein. Je suis allé un peu vite, j'étais. Non. J'espère que ça a été. Je vous ai pas trop ennuyé, mais enfin ça a été 1h15 quand même, hein. Ça a été 1h20, non? Ben, merci d'être resté jusqu'au bout, hein. D'avoir... À un moment, je parlais un peu vite, j'en avais marre, mais enfin, je veux dire, je m'en suis... Vous m'excusez, là. Non, mais par rapport à Duchamp, justement, qui est mort, on en parle, au moins, quoi qu'il arrive, c'est bien, moi, je trouve que c'est rigolo qu'on soit pour ou contre ce que je fais, c'est de participer à une histoire qui soit actuelle, qui soit vivante, parce qu'encore un truc, il y a les entretiens de Duchamp, je suis en train de lire Duchamp, pendant 40 ans, son urinoir, on en parle, c'était qu'une photo, Duchamp, il n'y a rien que, comme écrit de Duchamp, il y a un entretien par Pierre Cabanne en 1967, mais il n'y a rien du tout, quoi. Donc c'est pour dire que c'est drôle, moi, je trouve, de parler de choses comme ça, qui font l'actualité du vivant de l'artiste, parce que après, comme Duchamp, on peut, il n'y a rien, aucun écrit, pas beaucoup de choses sur Duchamp, quoi. Voilà. Merci encore.